Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 77. Des accidents qui restent dans l'Eucharistie. Comment les accidents du pain et du vin existent dans l'Eucharistie? Qu'ils sont dans la quantité commensurable, leur action sur les corps environnants, de leur altération. Il s'en peut engendrer quelque chose. De quelle manière ils peuvent nourrir? De leur fractionnement. Ce qui arrive quand on mêle quelques liqueurs au vin consacré. 1. Les accidents restent-ils sans sujet dans l'Eucharistie? Les accidents du pain et du vin, que nos sens aperçoivent dans l'Eucharistie après la consécration, n'ont pour sujet ni la substance même du pain et du vin, qui n'existe plus, ni le corps de Jésus-Christ, qui, impassible et glorieux, n'admet pas de telles modifications. Il faut donc dire que, dans ce sacrement, la vertu divine, cause première de tout accident comme de toute substance, les conserve après que leur substance a disparu. Elle peut très bien produire les effets des causes naturelles sans les causes naturelles elles-mêmes, comme elle a produit le corps du Christ dans le sein de la Vierge sans le principe ordinaire de la vie humaine. Note. Qui empêche que, par un privilège spécial de la grâce, une chose ne déroge aux lois ordinaires de la nature, comme cela se voit dans la résurrection des morts, dans la guérison des aveugles, dans les sociétés humaines elles-mêmes, certains privilèges ne dispensent-ils pas parfois de la loi commune? Dans l'Eucharistie, les accidents restent sans sujet, en vertu de la puissance divine qui les soutient et leur donne l'être après la consécration. Le Concile de Trente s'exprime ainsi, si quelqu'un dit que, dans le sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin reste avec le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ou ni l'admirable changement qui se fait du pain et du vin en son corps et en son sang, les espèces du pain et du vin restant seules, qu'il soit anathème. Fin de la note. 2. Les dimensions du pain et du vin sont-elles, dans l'Eucharistie, le sujet des autres accidents? La quantité des dimensions sert de sujet aux autres accidents, car, ainsi que les sens l'attestent, la couleur, la figure et le goût qui restent dans l'Eucharistie, se divisent par la division même de la quantité commensurable que laissent le pain et le vin. Il en est ainsi, non seulement parce que, suivant le rapport de nos sens, qui ne nous trompent point en cela, il y a là une étendue colorée, mesurable, etc. Mais encore parce que la première propriété des corps est l'étendue, et que c'est par son intermédiaire que les autres accidents se rapportent à leur sujet. Or, puisque, le sujet enlevé, les accidents restent tels qu'ils étaient auparavant, nous devons dire qu'ils reposent plutôt sur la quantité dimensive que sur tout autre accident, d'autant plus que, quand ils existaient dans la substance du pain, ils étaient individualisés par l'intermédiaire même de cette quantité. Note. Un accident, dira-t-on, n'est pas le sujet d'un autre accident. L'accident n'est pas par lui-même le sujet d'un autre accident, nous en convenons, mais l'accident reçu dans un sujet peut être à son tour le sujet d'un accident, et ce n'est pas autrement que la surface sert de sujet à la couleur. Pareillement, un accident qui existe miraculeusement par lui-même peut être le sujet d'un autre accident, c'est ce qui arrive dans l'Eucharistie. Fin de la note. 3. Les espèces sacramentelles peuvent-elles agir sur les corps extérieurs et les modifier? Il est certain que les espèces sacramentelles, qui, après la consécration, restent, par la vertu divine, ce qu'elles étaient dans la substance du pain et du vin, conservent leur même action à l'égard des corps extérieurs. Autrement, elles n'agiraient pas sur nos sens. 4. Les espèces sacramentelles peuvent-elles se corrompre? Les hosties consacrées se putréfient et se corrompent, les sens nous l'attestent. Les espèces sacramentelles conservent, après la consécration, le mode d'être qu'elles avaient auparavant, lorsque la substance du pain et du vin existait encore, elles peuvent donc, soit par elles-mêmes, soit par accident, se corrompre comme avant la consécration. Leur altération est-elle si légère qu'elle n'eût pas corrompu le pain et le vin? Le corps et le sang de Jésus-Christ demeurent dans le sacrement. Est-elle si grande qu'elle eût suffi pour détruire la substance du pain et du vin? Le corps et le sang de Jésus-Christ disparaissent, et c'est ce qui arrive du moment que, soit à raison de l'altération des qualités, soit à cause de la ténuité des parties, ces espèces n'offrent plus l'apparence du pain et du vin. 5. Les espèces sacramentelles peuvent-elles engendrer quelque chose? Nos yeux voient que les espèces sacramentelles produisent quelque chose, des cendres, si on les brûle, des vers, quand elles se putréfient, de la poussière, dès qu'on les broie. Quelques-uns ont dit que les substances engendrées dans l'Eucharistie proviennent de l'air ambiant et non des espèces sacramentelles, d'autres, que la substance du pain et du vin, rappelée par la corruption des espèces, produit les cendres, les vers et les autres choses pareilles. Aucune de ces opinions ne paraît soutenable. Il est plus vraisemblable que la consécration elle-même confère à la quantité dimensive du pain et du vin la force et les propriétés qui appartiennent à la matière, et que tout ce qui serait produit par la matière du pain et du vin, si elle existait, la quantité dimensive du pain et du vin peut à elle seule l'engendrer par la vertu du miracle accompli dans la consécration. 6. Les espèces sacramentelles peuvent-elles nourrir? La question précédente résolue, celle-ci n'offre point de difficulté, puisque les espèces sacramentelles peuvent se changer en d'autres substances qu'elles engendrent, elles peuvent se changer en la substance de l'homme et servir à sa nourriture. 7. Les espèces sacramentelles sont-elles rompues dans l'Eucharistie? Les sens, qui ne sont pas trompés dans le sacrement de vérité pour ce qui est de leur domaine, nous attestent que les espèces sacramentelles y sont rompues, et que cette fraction s'opère sur un objet qui est un d'abord, et ensuite divisé en plusieurs parties. Évidemment, ce qui est ainsi brisé, ce n'est pas le corps de Jésus-Christ, qui est incorruptible et impassible, ce n'est pas non plus la substance du pain, qui n'existe plus. La fraction porte donc subjectivement sur la quantité dimensive des espèces sacramentelles. Note. Quelqu'un va demander pourquoi l'on attribue la fraction qu'aux espèces sacramentelles, quand il est constant que le corps du Rédempteur est mangé et même trituré dans l'Eucharistie par les fidèles. La même chose, dira-t-il, y est rompu, mangé et trituré. Or le corps du Christ y est mangé, selon cette parole, celui qui mange ma chair et boit mon sang, Jean 6, 57, donc c'est le corps du Christ qui est rompu dans l'Eucharistie. Que ce qui est mangé dans sa propre espèce soit aussi rompu et trituré dans sa propre espèce, c'est de quoi nous convenons. Mais le corps du Christ n'est pas ici mangé dans sa propre espèce, il l'est seulement dans l'espèce sacramentelle sous laquelle il est véritablement. Puisqu'il n'est pas mangé matériellement et comme l'entendaient les Juifs grossiers qui s'imaginaient qu'il le serait à la manière des viandes qui s'achètent à la boucherie, il n'est pas non plus rompu matériellement, il l'est seulement dans l'espèce sacramentelle. Fin de la note. 8. Une liqueur peut-elle se mêler avec le vin consacré? Les sens témoignent que, après la consécration comme avant, une liqueur peut se mêler avec l'espèce du vin. Les espèces eucharistiques, tenant de la consécration le même mode d'être que la substance, ont aussi le même mode d'agir et de subir l'action, tellement qu'elles peuvent faire et recevoir tout ce que la substance pourrait faire et recevoir, si elle était présente. Mêle-t-on dans le calice une liqueur en si grande abondance que l'espèce du vin dut être anéantie, le sang du Christ cesse d'y être présent. La quantité de cette liqueur est-elle si faible qu'elle ne puisse atteindre tout le contenu, quoiqu'elle en affecte une partie, le sang du Christ, qui cesse d'être sous cette partie, reste néanmoins sous l'autre. Note. Dans aucun cas, la liqueur ajoutée au vin consacré ne se mêle au sang de Jésus-Christ, elle se mêle seulement aux espèces sacramentelles. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.